Le matin du premier jour, on voyait dès l'aube les écoliers se réunir, des mieux attifés, armés et à cheval, sur la place de Sainte-Geneviève, où ils étaient formés en compagnie pour se mettre en marche, deux par deux, au son des fifres, des trompettes et des tambours. Des étendards flottaient dans leurs rangs, et les bons bourgeois, charmés par le coup d'œil que présentait cette pittoresque cavalcade, avaient soin de tenir les rues libres pour la laisser passer. Arrivés sur le terrain de la foire, les écoliers rivalisaient d'esprit, de gaieté et d'adresse avec les ménétriers et les jongleurs. Et tandis que le recteur visitait les boutiques de parcheminiers pour y confisquer les parchemins qui auraient pu être introduits en fraude, la jeunesse turbulente des écoles se contentait d'entrer dans les tavernes et se concilier les bonnes grâces des principaux seigneurs, d'y jouer de méchants tours aux bourgeois. Car tout bon parisien allait au landy, et les bourgeois n'étaient pas gens à y manquer. La plaine du Landy a connu une époque pendant laquelle il y avait une foire qui attirait des marchands de toute l'Europe. Entre le XIIe et le XVIe siècle, cette foire était la plus royale foire du monde. Dagobert, Charlemagne, Charles le Chauve, les attributions de la fondation de cette foire sont multiples et toutes fausses. Le recteur de la Sorbonne y venait, avec les écoliers, pour acheter le parchemin. L'évêque de Paris y arrivait en procession pour bénir l'ouverture de la foire, mais c'était l'abbé de Saint-Denis qui gérait la justice sur les échanges et jouissait des taxes dues par les marchands. Le Landy était donc une terre mitoyenne entre deux pouvoirs, l'Église et la monarchie, dont l'abbaye de Saint-Denis était partenaire privilégié. À la mort d'un roi, l'évêque de Paris emmenait en cortège le corps jusqu'au Landy, où, à hauteur de la croix Ad Fines, située le long de l'Estrée, l'ancienne rue pavée entre Paris et Saint-Denis, l'abbé prenait le relais pour l'enterrer dans la basilique. Selon l'historienne Anne Jourdan-Lombard, cette foire et la tradition d'enterrer les rois à Saint-Denis plongeraient leurs origines dans un passé lointain, l'âge du bronze. Les sociétés de la mer Méditerranée devaient acheter l'étain qui venait de Cornouailles pour le fondre avec le cuivre et obtenir l'alliage. La route de l'étain servait ce commerce, elle descendait le long de la Seine. Entre Saint-Denis et Saint-Ouen, les eaux de la Seine, étant plus basses, rendaient périlleuse la navigation, donc les marchandises devaient être transbordées pour rejoindre la Loire, puis le Rhône, et poursuivre vers Marseille. Cette difficulté de navigation aurait donné naissance au port de Saint-Denis qui, à l'époque carolingienne, était utilisé pour desservir l'approvisionnement et l'exportation des marchandises de la foire. Le trajet devait passer par le Landy pour ensuite traverser le col de la Chapelle et descendre en direction de Bercy. Après 146 avant notre ère, et jusqu'à l'arrivée de César en moins 50, le commerce de l'étain aurait été un monopole de la Gaule. Premièrement passant par la Loire et le Rhône, et ensuite par le trajet décrit ci-dessus. Une singularité qui peut être due au hasard est l'homonymie des lieux où la marchandise était transbordée sur terre, dans le premier cas dans le Morbihan, et plus précisément là où il y a actuellement la ville de Vannes. Dans le second cas, entre Saint-Denis et Saint-Ouen, c'est-à-dire face à l'île de Saint-Denis, qui antérieurement était formée par trois îles, île Saint-Denis, île du Châtelier et île des Vannes. Selon Anne Lombard-Jourdan, les foires du Moyen-Âge ont repris des habitudes déjà instaurées antérieurement. La fameuse foire du Landy verrait donc ses origines dans une première amorce d'échanges pendant cette époque. D'ailleurs, la découverte d'une grande nécropole gauloise, faite récemment à Bobigny, montre qu'il y avait une bourgade d'artisans forgerons. Les matières premières n'étaient pas repérées sur place. On est donc obligé de penser qu'un commerce y était installé. L'hôpital Avicenne de Bobigny, où ont eu lieu les fouilles, se trouve à moins de 2 km sur le prolongement de l'axe est-ouest du Landy. Mais il faut chercher l'origine du rôle économique du Landi dans l'ensemble théorique de l'historienne. Avant l'arrivée des Romains, la France est un territoire partagé par deux peuples celtes, les Gaulois et les Belges, et les limites de ces territoires sont la Seine et la Marne. Cette dernière rivière anciennement s'appelait Matrona, la déesse mère. Et avant d'établir son parcours actuel qui se termine dans la Seine au sud de Paris, elle rejoignait la Seine au nord de Saint-Denis. La vieille mer est l'ancien bras de la Marne. Actuellement Buzet, elle traverse le parc départemental de la Courneuve. Elle longe au nord le cimetière de Saint-Denis et rejoint le canal Saint-Denis et la Seine au quartier Gare Confluence. Les deux rivières, les ruisseaux Croux et Montfort et la butte Montmartre, découpaient un espace protégé sec, où les tribus celtes pouvaient se réunir pour prendre des décisions importantes. Cette habitude est décrite par César dans ses commentaires. Il utilise le mot « indictum », c'est-à-dire un jour et un lieu où une assemblée du peuple est établie. Ce mot aurait donné l'origine au mot « landi », antérieurement « lendit ». Un peu plus en bas du Landi, vers Paris, sur la droite du canal, on trouve un lieu-dit nommé Montjoie. Selon l'historienne, ce mot désigne un tumulus considéré comme le tombeau sacré du héros fondateur des deux peuples. Le mythe de Saint-Denis, ville royale, et de manière générale de l'origine de la France, se serait construit sur les rites pratiqués dans ce lieu sacré. Ici, les chefs des tribus venaient se faire enterrer à côté de l'ancêtre fondateur. Le mot Montjoie serait la transformation du francique Mungawi, Mundo, Munt, protection, défense, et Gaou, Gaoui, territoire, pays. Tandis que le cri de guerre des chevaliers français était Montjoie, Saint-Denis. L'existence d'autres tumulus, outre la Montjoie, serait témoignée par la toponymie des lieux dans cette zone. Tombe, tombelle, tombette, motte, motel, du latin moté, tertre. Non loin du lieu dit Montjoie, on trouve aussi la rue du Pilier, où selon l'historienne s'érigeait le Pilier des Nôtes, une colonne monumentale gallo-romaine érigée en l'honneur de Jupiter par les nôtes de Lutèce au 1er siècle. Il est constitué de blocs de forme cubique, ornés de bas-reliefs représentant diverses scènes, ainsi que des divinités gauloises et romaines. Mis au jour dans les fondations de l'hôtel de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 16 mars 1711, il est actuellement conservé au Musée national du Moyen-Âge. Selon Anne Lombard-Jourdan, les nôtres cherchaient en édifiant le pilier à montrer au peuple de la Gaule la voie de la coopération, qu'il était désormais raisonnable de suivre. En dédiant le pilier à Jupiter, ils montraient qu'ils agréaient la religion des Romains tout en affirmant leur fidélité au culte indigène par la mention de dieux gaulois.